Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle chronique de Classic Oldies. La sortie du film Bohemian Rhapsody m'a donné envie de consacrer une chronique à Queen aujourd'hui. Groupe de rock composé de Brian May, guitariste, Roger Taylor, batteur, John Deacon, bassiste et Freddie Mercury, le chanteur. La réunion de ces quatre génies donne naissance à un groupe légendaire entre 1970 et 1991. Bien qu'inspiré par la musique progressive et le heavy metal, Queen a su créer dès ses débuts son propre style musical. La première moitié des années 70 leur permet de se faire connaître et de toucher un peu à tous les styles, psyché, glam, hard, tout en gardant comme ligne directrice le rock. C'est en 1975 que paraît l'album A Night at the Opera, album qui leur a valu la peau des fesses, mais qui rapporte gros tellement le succès est immense. Les critiques s'inclinent lorsqu'elles entendent le titre Bohemian Rhapsody, ou encore The Prophet Song et Death on Two Legs. Nos quatre membres continuent dans leur lancée en publiant trois autres albums. Petit échantillon de ce que vous pouvez entendre de Queen en cette deuxième moitié des années 70. Impressionnant. Les années 80 représentent un grand tournant pour le groupe. Ils intègrent le synthétiseur dans leur musique, composent pour des films et collaborent avec les plus grands tels que David Bowie et leur morceau Under Pressure. Cette tournure plus pop vont décevoir les rockers puristes qui s'attristent en voyant Brian May délaisser sa fidèle guitare, la Red Special. Pourtant, les succès sont planétaires. Citons par exemple Another One Bites the Dust. On sent bien la tendance funk ici. Années 80 oblige. Et Queen domine la décennie. 1984, on a I Want to Break Free, Radio Gaga. 1985, Friends Will Be Friends, A Kind of Magic. Et 1989, The Miracle, ou encore I Want It All. Triomphe total qui sera interrompu malheureusement en 1991 lors du décès de Freddie Mercury. Innuendo est le dernier album de Freddie et voici sa dernière chanson. Prémonitoire. Alors qu'il cacha souvent sa maladie auprès des médias, c'est le sida qui entraîna son décès. Mais alors qu'en est-il près de 30 ans après? Eh bien des musiques tout autant diffusées, tout autant appréciées et tout autant vénérées. Les trois membres restants poursuivent des tournées en solo, mais aussi en groupe avec notamment Paul Rogers, puis Adam Lambert, remplaçant au chant. Si Queen est ce qu'il est aujourd'hui, c'est bien sûr grâce à sa musique, mais aussi tout ce qu'il y a autour. Les performances scéniques de Freddie Mercury en concert en est un exemple. En effet, lui et le public ne font plus qu'un. Citons les plus cultes de ses concerts, le Live Aid, à Wembley ou encore le Rock in Rio, tous deux en 1985. Ensuite, c'est aussi Freddie Mercury qui, en plus de ses performances en live, comme on vient de le dire, possède une des plus belles, peut-être la plus belle voix de tous les temps, capable de chanter tous les styles, de monter dans les graves et les aigus en un rien de temps. C'est une voix que l'on n'oublie pas. Enfin, Freddie, c'est un look, c'est une assumation de son homosexualité, et malheureusement aussi, c'est la personnalité associée au sida, qui fait de plus en plus prendre conscience aux gens de sa dangerosité. Alors oui, Queen est connu de tous, toutes générations confondues, hein, que ce soit grâce au sport, grâce aux concerts, grâce aux films, ou grâce aux associations qui luttent contre le sida. Passons maintenant au morceau coup de cœur. J'ai peu évoqué les premiers albums de Queen, mais ils ne sont bien sûr pas à négliger. L'album Sheer Heat Attack en fait partie. Il contient l'un des premiers tubes, Killer Queen. chanson typique du groupe, au solo de guitare court mais efficace, dans lequel on reconnaît parfaitement le style Brian May. She keeps a Moët Chandon in a pretty cabinet. Let them eat cake, she says, just like Marie Antoinette. A building remedy for Khrushchev and Kennedy. At any time, an invitation you can't decline. Caviar and cigarettes, well versed in etiquette. Extraordinarily nice. She's a killer queen. On croirait entendre une chanson tout droit sortie d'une comédie musicale ou d'un opéra rock. C'est Killer Queen. Ensuite, le morceau 39 en français, qui est une ballade country qui se distingue du reste de la discographie de Queen. D'une part parce qu'elle est peu complexe au niveau instrumental, une voix, une guitare et une contrebasse, ce qui la rend très attachante, on pourrait la chanter autour d'un feu de camp. Et d'autre part, parce que c'est un des rares morceaux chantés par Brian May. Les envolées de chœur sont tout de même assurées par Mercury et Taylor. Il s'agit de 39. L'album intitulé Jazz est un de mes préférés de Queen. Je le trouve complet et très varié. J'ai décidé de tirer de cet album la chanson In Only 7 Days pour apporter un peu de douceur à cette chronique. Je crois qu'au niveau des paroles, c'est une histoire d'amour à travers les jours de la semaine. Un thème assez banal en soi, mais c'est la voix, le piano et la guitare qui m'ont conquis dans cette belle musique, trop courte à mon goût. Et maintenant, on s'écoute le fameux morceau Bohemian Rhapsody. J'espère pour ceux qui ne l'ont jamais écouté que vous serez transportés durant ces 6 minutes d'ascension émotionnelle. Je vous souhaite une très bonne écoute sur RJR et à la semaine prochaine. Open your eyes, look up to the skies and see. Easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me. Mama just killed a man, put a gun. Didn't mean